Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Tableau de chasse, une série de Marie Guérin réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des traditions qui se perdent et ce n'est pas si grave. Des chasses mythologiques, l'héritage de l'ancêtre chasseur-cueilleur et le souvenir des invasions de lapins. Et puis il y a le plaisir d'enregistrer dans les bois et cette question, qu'est-ce que ça fait de tuer un animal d'une balle dans la peau ? Alors pour commencer, les personnages. Des manifestants pas contents, un maire chasseur et bretonnant, une veuve qui a l'œil, un ancien boulanger nostalgique, un chanteur qui ne lâche rien, un ministre qui s'est trompé, un agriculteur détective et des privilégiés égoïstes. Ensuite le décor. Des projecteurs dans les bois, les monts d'arrêt, une élection, des arrêts préfectoraux, un restaurant familial, du gibier disparu, le remembrement, des camions qui lâchent des sangliers, un miracle agricole devenu cauchemar, une chasse aux canards, un renard, des agneaux, un fond de vallée, du goudron et des nuisibles désirables pour certains. Aujourd'hui, deuxième épisode, on fait la compta. Quand tu vois un lièvre, c'est un grand L, c'est un L majuscule. Ouais. Et tu mets un devant, s'il y a deux, tu mets un 2. Ouais, d'accord. Ouais. Si tu vois un lapin, c'est un petit L. Oui. Avec le chiffre. Si c'est un renard, c'est un R. D'accord. Ça commence comme ça. Voilà. Ils sont liés, ouais. J'embarque avec des chasseurs pour un comptage nocturne. Cette virée me rappelle le travail du photographe américain George Shiras. Shiras fut le premier, au XIXe siècle, à réaliser des photographies d'animaux saisis au flash. Shiras fut initié à la vie des animaux sauvages par son père et par des guides indiens. Mes guides, ce soir-là, eux, sont finistériens et éclairent la campagne et les animaux nocturnes sans ruse, au projecteur. L'administrateur de l'équipée s'appelle Robert. Le but de la sortie organisée par la Fédération départementale de chasse du Finistère, nommée ICA, indice kilométrique d'abondance, réalisé tous les 3 ans sur un circuit donné, est de faire ce soir-là le comptage des lièvres afin de réaliser le plan de chasse. Je demande à Robert. On compte aussi les nuisibles ? Oui, aussi. Et après on arrive à Corée, là. Sur le secteur de Corée. Ouais. Et Corée est là, quoi. Il faut 2 gants derrière au projecteur. À gauche, à droite. À côté, quoi. Voilà, ça marche. La nuit semblait appartenir aux animaux que nous capturions, ahuris, dans nos projecteurs, jusqu'à ce que nous grimpions à quelques kilomètres de là, dans les montagnes. Pour défendre les gens qui travaillent ici. C'est pas pour travailler pour Poulaouen. Et bien, ils peuvent rester là-bas où ils sont à Poulaouen. Pour ceux qui jouent à nous offrir. Ils veulent tout ce qu'on a de bien ici. Et c'est ça qui les intéresse. Il a prévu, là. Mais il y a les bons d'arrêt ici, non ? Et puis le paysage est... Le paysage est plus beau que Poulaouen, pour commencer. Les touristes sont là plus que Poulaouen. C'est sous les grondements des manifestants qui s'opposent à la fusion des communes de Locmaria-Berrien et de Poulaouen. C'est dans ce moment de trouble politique que je débarque. C'est ce que j'ai dit à Goupil. Et plus ancestral que Carré. La Harde sauvage, une histoire de nuisibles dans l'Ouest. Un documentaire de Marie Guérin et de Guillaume Baldi. Ah ben c'était hier à l'élection du nouveau maire, justement, hier soir. Mais on est pour là où on a nos maris. On va dire non, je vais réunir un conseil de la caméra. Mais pour là où nous sommes, mais on va tout dire. Et alors, résultat de l'élection ? Oh ben, le maire de Poulaouen a été élu avec, je crois que c'est 20 voix et 3 contre. C'était fait d'avance, de toute façon. Mais enfin, ce qu'il y a à Poulaouen, personne n'a rien dit, mais enfin, ça a été fait sans prévenir personne, personne n'a rien su, ils ont fait ça entre eux, comme on dit. Parce qu'à Locmaria, il y a eu une sacrée opposition, là. Ah oui. Oui. Alors, monsieur le maire de la nouvelle commune est chasseur également. Il est chasseur également, oui. Il est chasseur aussi, oui. Oui. Et bretonnant, et nous allons le rencontrer là à 14h à la mairie. Ah d'accord, oui, il est bretonnant aussi, oui. On lui passe un message de votre part? Oh, bah ou... oui, bah oui. Bonne idée, André. Bon, je te demande que moi, je pose question, Yom. À blâve, je m'en rends, je suis content de blâve, ce que allez, salut. Parce que la demande, c'est quoi, ouais? Vous avez les vœux déjà d'Yves Lemaine. Yves Lemaine de Poulaouen. D'accord, bah je le remercie. Je le vois dimanche, normalement. Vous pouvez le remercier. Je le remercie d'abord, oui. Et je le remercierai de vive voix dimanche prochain. Oui. Voilà. Après, on partage quelque chose, vous et moi, en commun. Pas dans la même mesure, mais j'ai grandi à Châteaulin. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le monde de l'aviculture que nous partageons en commun. Oui, en parlant de l'entreprise Doux, quoi, qui est à Châteaulin, oui, qui est toujours à Châteaulin. Oui. Ouais. Alors, votre père, lui aussi, a été un pionnier de cette aventure avicole, non? Dans les années 50. Oui, oui, oui, oui, oui. Il y a un journaliste qui a fait un papier là-dessus il y a quelque temps. Monsieur Ruffin. Voilà, d'accord. On a les mêmes lectures. Ouais. Et du coup, est-ce que votre père avait le temps de chasser dans tout ça? Il était donc dans cet essor du modèle agricole breton. Est-ce qu'il avait le temps de chasser, lui? Alors, oui, mon père était chasseur. Mais mon père s'est mis chasseur, en fait. Alors, à une époque, en fait, dans les années... Ouais, ça remonte aux années 70. Dans les années 70, sur la commune de Poulaouen, il y a eu une période où on était vraiment... Enfin, où le monde agricole était envahi par les lapins. Il y avait énormément de lapins qui faisaient beaucoup de dégâts aux cultures. Et mon père, considérant que les chasseurs ne réglaient pas trop le problème des lapins, eh ben, il s'est mis chasseur pour le régler lui-même, quoi. Je lis juste un passage de l'article où François Ruffin vous interviewe et vous dites « Mon père me disait, je veux toucher une brique par mois, 10 000 francs, 1 500 euros. Il les a atteints, sans ça il aurait cédé la ferme et la Bretagne se serait retrouvée comme la Creuse ou l'Ardèche, un désert avec 1 000 sangliers sur la commune et les écoles fermées. » Donc voilà, je m'appelle Nicolas Meffre, j'habite à Poulaouen. Juste, donc, pour te situer sur l'échelle, oui, de la taille des élevages. Bah, tu es le plus petit? Moi, j'existe pas, ouais, voilà. Moi, je suis un micro-élevage et peut-être le jour où, en plus, je vais pouvoir m'affilier officiellement MSA, là, ça sera différent. Mais bon, ça sera différent officiellement, mais c'est tout. Alors, ça c'est la carte locale, on va dire, un 25 millième, mon Huelguat, mon Daré. Donc on va pouvoir voir dessus où on se trouve et où se trouvent les zones de forêt. Donc voilà, ici on est donc aux Rumines. Et moi j'ai des terrains sinon à Quérette, donc c'est juste à côté, cette zone là quoi. Donc autour, au sud, on a la forêt de Baudevarec. Fait partie de la forêt domaniale du Huelguat. Bon bah, à l'ouest et au nord, on a le gros massif forestier du Huelguat, forêt domaniale aussi. À l'est, on a le Fréau avec le bois de l'Émézec. Et puis le reste un peu plus loin qui fait aussi partie de la forêt domaniale du Fréau. D'où proviendrait en grande partie du moins, ça viendrait du Fréau énormément, les sangliers qui rentrent sur Poulaouen. Dans les cultures, les prairies, les zones bocagères. Nuisibles, je sais pas, parce que c'est le... Enfin, il y a des animaux nuisibles, beaucoup, mais je sais pas comment ça se dit en breton. Non, le fal, des mauvais bêtes, quoi, si on veut. Comment on dit gibier en breton? Mais l'on gouin matin est là, tu vois, Kaiser. Animaux sauvages, si on veut, quoi. On peut s'exprimer comme ça toujours, je pense. Parce que non, je n'ai pas le mot, non. Chasse et agriculture, ça va de pair? Bah oui, plus ou moins. Dans le temps, pratiquement, la plupart des agriculteurs étaient chasseurs. Ah non, il y en a de moins en moins, non, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, chasseurs de jour. Quelques retraités. Non, ouais. Dans le temps, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs. Je pense que comme mon père, dans les années 70, s'était mis à la chasse, je pense que d'autres agriculteurs l'avaient fait aussi à la même époque. Après, certains de ceux-là sont restés des chasseurs, mais c'est quelque chose aussi qui devrait s'inverser. Je vois que, pour en avoir parlé avec un petit groupe de jeunes agriculteurs de Poulaouen, là, ils sont un groupe de 4 là, à se poser la question de savoir s'ils ne devraient pas aussi prendre leur permis de chasser pour être capables, justement, de réguler les espèces, des fois, qui leur posent des problèmes, quoi. Vous représentez quand même le pont entre l'agriculture et la chasse au sein de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ah oui, oui, oui. Donc au sein de ce qu'on appelle donc le dossier faune sauvage, je représente le président de la Chambre, quoi. Avant 2001, parce que c'est surtout entre 1995 et 2001, c'est un dossier qui avait complètement été ignoré par la Chambre d'agriculture. Il n'y avait pas eu de... D'ailleurs, quand on m'a vu arriver en réunion, les gens se sont interrogés. Ah tiens, la Chambre d'agriculture vient maintenant... en commission faune sauvage, en commission dégâts de gibier, etc. Donc ils étaient, moi, comme on m'avait donné la délégation, j'y suis allé, quoi. Mais je me suis très vite rendu compte que le monde agricole, en fait, n'était plus associé depuis quelque temps aux décisions prises par le préfet, puisqu'en fait, en général, tous ces travaux-là découlent on arrive, en fait, à des prises d'arrêtés, quoi. Les arrêtés chasse, les arrêtés nuisibles, les arrêtés d'indemnisation de dégâts de gibier. Et donc, tous ces arrêtés-là étaient pris sans que personne du monde agricole n'avait donné son mot, quoi. Voilà. Et on ne peut pas se contenter des fois de discuter en commission. Il faut aussi que par derrière, les services de l'État, le préfet, les ministères, etc., soient alertés aussi sur les enjeux économiques, sociétaux, humains, enfin tout ce qui peut traîner autour de la faune sauvage, quoi. Et c'est vrai qu'en 2001, quand j'ai pris ce dossier-là, on m'a laissé en fait l'attitude complète, puisque à la Chambre d'agriculture, on considérait que le prix du litre de lait, le prix du kilo de viande de porc, de volaille, de bœuf, etc., étaient les sujets prioritaires. Que c'était là-dessus en fait que la Chambre devait s'investir, et que le dossier faune sauvage était un dossier de seconde zone, quoi. Or, on s'est rendu compte dans les 15 années dernières passées, là, que le dossier faune sauvage peut très bien aussi percuter le monde économique, quoi. Voilà. Quand on est en commission de dégâts de gibier, notamment, quand il faut négocier le prix du blé, le prix du maïs, le prix de toutes les cultures, je m'aperçois que tout en étant le département qui a le moins de dégâts, les autres départements ont pris conscience qu'il y a un enjeu, quoi. Et à toutes les réunions régionales qui ont lieu à l'Oudéac pour préparer les commissions départementales, ça chamaille dur, hein. Entre le monde agricole, le président de la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor a quitté la séance quand on discutait du prix du blé l'autre jour, hein. C'était chaud. Ici, j'en ai une que j'ai conservée, qui a été faite chez un agriculteur d'à côté, là. Donc, vous voyez, c'était sur du blé, 3 parcelles de blé. Alors, dans chaque parcelle, j'ai noté la surface de la parcelle. Et puis, j'ai donc noté la surface détruite. Donc là, j'ai trouvé 6 arts. Donc il n'y avait pas grand-chose. Ici, j'ai trouvé 26 arts. Ici, 55 arts. Je note aussi le rendement que j'estime que la culture va faire. Parce que ça, c'est important de connaître les cultures, de savoir à l'œil, approximativement, quel va être le rendement de la parcelle. Donc là, j'ai estimé qu'elle faisait 80 quintaux, l'autre 70 et les deux autres 70. Donc ça vous donne un calcul de perte de céréales dans la parcelle. On n'est pas loin de la chapelle du paradis, on est à Lescom, chez Hervé Lostanlen. C'est ça. Ça veut dire quoi en breton? Ah ben, Lostanlen, ça veut dire le bout du lac. Et je suppose que c'est une personne qui habitait au bout du lac, au bord d'un lac. Donc, Lost, ça veut dire le bout, le bas, le fond. Oui, c'est ça. Oui, alors, la formation d'estimateur m'a été proposée par la Fédération de la chasse du Finistère. Hein. Je venais de prendre ma retraite. Bon, c'était un travail intéressant quand on est agriculteur de rencontrer d'autres agriculteurs et puis de visiter les cultures. Donc on est dans le bain, quoi. C'est pour moi, ça a été très intéressant. Bon, je n'étais pas chasseur, ce qui surprenait quelquefois les agriculteurs que je visitais, parce que généralement, les estimateurs sont presque tous chasseurs. Ils sont, et bon, quelquefois, c'est plus facile de ne pas être chasseur. Parce que le chasseur n'est pas toujours bien vu, parce que quand il y a des dégâts, on l'accuse de ne pas tuer assez les sangliers, de voilà, quoi, c'est ça. Et, bon, mais c'est quand même les chasseurs qui payent les dégâts, quoi, hein, à travers leur cotisation de base, quoi. Et c'est eux qui, c'est leur caisse qui paye la casse, quoi. Donc nous, ici, c'était simple, parce que c'était surtout sangliers. Sangliers, puis sur des cultures classiques, hein, maïs, céréales. Le sanglier, on ne peut pas dire que c'est un animal nuisible, le chevreuil non plus, mais ils sont régulés. Donc, à partir du moment, ils sont chassés. C'est important de dire qu'un sanglier, c'est chassé, un chevreuil, c'est chassé. Dans une commune comme Poulaouen, ici, vous avez 27 à 28 chevreuils qui sont tués chaque année. Le sanglier, c'est différent. Le sanglier, il n'y a pas de droit à tuer. On tue comme on veut. Alors, dans le département du Finistère, on tue pas beaucoup. Hein. On en tue entre 5, 600, 700 peut-être par an. Parce que c'est pas un département où le sanglier fait beaucoup de dégâts. Hein. Par contre, les dégâts sont toujours dans les mêmes endroits, quoi. Moi, j'avais du travail, à Poulaouen, j'en avais pas. Mais, ou très peu. J'avais du travail dans d'autres zones du département, quoi. Enfin, surtout dans la région des Monts d'Arrée, la région de plus proche de la région de Morlaix, par exemple, la région de plus proche des Côtes d'Armor. Là. Les quatre vents depuis 1982, c'est ça? Oui. On a ouvert en 82. Vous appelez comment? Michel Nedelec. Et mon mari est décédé, ça fait au mois de mars, ça fait un an. Donc je me retrouve seule. C'était une affaire familiale que vous avez montée tous les deux? Oui. Oui, parce qu'il n'y avait rien quand on a créé ça. Il n'y avait rien avant. Non. D'accord, et ici venaient manger les ouvriers de Poulaouen? Oui, les repas de famille, les baptêmes, les mariages, tout quoi. Les communions, les chasseurs. Des ouvriers, il y en avait beaucoup de monde dans le temps. Et donc là, départ de chasse aujourd'hui, on est jeudi, et on part de chez vous, c'est un point de rendez-vous? Oui, le départ des chasseurs, des fois c'est ici, des fois c'est au bois, ça dépend. Et ils vous offrent du gibier? Non, même pas. C'est du pâté de lièvre. Ils font le lièvre aussi. Maintenant, il y a des bracelets pour le lièvre. Qu'est-ce qu'on va chasser aujourd'hui, à votre avis? Le sanglier, on a le droit. Et la bécasse. De lapin, il n'y en a plus. Et je ne sais pas quoi encore, quelque chose. Vous venez avec nous, Michel? Non, j'ai pas le temps. C'est une chasse pour les Parisiens aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pour les Parisiens. Oui. Et on est invité par monsieur le maire. Oui. Donc, mais vous n'avez pas de fusil. Bonjour. Et votre le maire? Monsieur le maire, tu sais, tu connais, il a une montre. Il n'a pas la même montre que nous? Non, c'est ça, non. Il n'a pas payé cher en plus. Ouais. On voulait comprendre, c'est une chasse organisée pour nous les Parisiens ou est-ce que c'est une vraie chasse? Ah, mais c'est ce que je me demande, c'est pour rire ou quoi? C'est une chasse qui compte pour du beurre. Et alors vous êtes qui? Moi, l'ancien boulanger de Poulaouen, 42 ans de boulot au fournil. Vous avez quel âge, François? 78. Quand vous étiez petit, il y avait plus de gibier? Ah oui. Oh là là. J'ai fait une des premières ouvertures de la chasse. On faisait 27, 30 lapins dans la journée. Maintenant, dans la saison de chasse, l'année dernière, on a dû faire 10-12. En quelle année? En 57. Ouais. Est-ce que vous pensez que le remembrement causé quelque chose par rapport à Poulaouen? À Poulaouen, oui. Poulaouen, on a rasé 700 km de talus. Plus loin que Poulaouen-Paris. Alors il y a des grands champs, il n'y avait pas avant, il y avait plein de petits champs et des talus. Et quand j'ai commencé à chasser le lapin, c'était... Et puis on chassait au furet parce qu'il y en avait trop. Ça faisait des dégâts, mais maintenant c'est plus la peine de chasser au furet, il n'y a plus de lapin. Et quelles ont été les conséquences selon vous du remembrement? Ah ben, défaire les refuges, les... Et après le remembrement, il y a eu les tas de souches qui sont restées, qui ont protégé un peu. Mais le tas de souches était tout seul au milieu de plusieurs hectares. Donc les lapins, ils n'avaient pas de quoi se cacher. Même pour les buses. Les buses les prennent tout petits, hein, les lapins. Alors s'il faut leur nicher auprès du tas de souches, ils restent là tant qu'il y a des petits qui sortent. Et puis ils les prennent tous. Alors c'est assez nuisible aussi. Et il est protégé. Du coup, on est passé de la chasse au petit gibier, oui, à une chasse au gros gibier. Oui, c'est ça. Mmh. Ah, oui. Ici, oui. Le chevreuil, c'est du vrai. Il paraît que le sanglier, on lâche. Moi, j'y crois pas trop. Ah si, moi, j'ai vu des camions. Ouais. J'ai vu à Scrignac, en bas, quand on descend, là. Oui. Il y avait un camion qui lâchait des sangliers. Tu l'as pas vu les lâcher? Si. Ils ouvraient le camion, ouais. Ils ouvraient le camion? Oui, oui. Ils étaient c'est pour ça qu'on retrouve des sangliers un peu partout. Ouais, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, Ben, c'est bien simple. Du sanglier, je chasse depuis 57. Ça fait combien, ça? Ça fait 60 ans, probablement. Oui, passé même. J'en ai tué que 11. Et les chasseurs de sangliers, maintenant, ils tuent 11 dans une saison. Alors, ils viennent d'où, ces camions, vous pensez? Ce qu'on dit, c'est ça vient de l'Est. Attention, hein. Parce que j'avais été... Les pays, il y a trop. Voilà. Si ça se fait, toujours point d'interrogation. Bah, Michel a vu. Oui. Ouais. Oui, on a un témoin. C'est ce qu'a dit, oui. Celle qui a dit. D'ailleurs, j'ai même pas fait attention d'où était le camion parce que. Ah, vous avez pas noté la plaque? Ben non, parce que j'ai été surprise. Quoi. Plaque française ou pas? Ah, je sais pas, je n'ai pas regardé du tout. Parce que j'ai été surprise de voir le camion lâcher les sangliers. On va appeler monsieur le maire, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Didier? Ah, il a vu, je crois. Non? Attends, je vous reprends. Allô? Oui, c'est Didier, il arrive. Allô? Oui, Didier, on est là. Oui. D'accord, moi aussi? Parfait. À tout de suite. Non, je viens d'arriver, allez. Ça va, Michel? Oui. Bonne année? Oui. Et bonne santé, surtout? Bonne année, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai été emmerdé ce matin avec mon groupe électrogène qui est tombé en rade, là, et Daniel Balb et Toto, ils trouvent pas de panne. Et puis après, j'ai des trucs à régler, là, pour la... S'occupe de trop de monde actuellement, mais bon, quand il faut empêcher les gens de se tuer, c'est important. C'est quand ça, même. Ça, Ben voilà. Ouais. Il a du boulot. Bon. Non, mais quand c'est pas sur la commune, c'est encore plus emmerdant. Ah, parce que tu vas dans les autres communes. Eh ben oui, parce qu'on m'appelle, parce que des fois les maires sont pas, enfin les gens sont pas contents de leur maire. Tu vois, il y a pas que les mecs de Logmaria qui se plaignent de. Hein, ici c'est la Feuillée, tu vois. Donc j'ai dit au maire de la Feuillée, ah bah tu vois, t'avais pas voté pour notre commune nouvelle. Et ben n'empêche que les mecs viennent me chercher. Ouais, puis et les gens ont raison en plus. Ils ont raison en plus qu'il a pas fait son boulot. Moi je prends un café, tiens Michel, comme ça. Didier, on avait une question. Là, il va y avoir du lâcher de sanglier pour nous, pour la chasse des Parisiens, ou pas? Ah bah ça y est, ils sont en train de le faire, là. Okay. Ils sont en train de les lâcher, là. Parce que Michel a vu un lâcher, hein, sur un parking. Elle a vu un camion. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on est... Enfin, bien sûr. Sur le nombre de lâchers qu'il y a après le souci, c'est que beaucoup de personnes, quand ils voient une petite bétaillère, hein, éventuellement immatriculée en Pologne ou en Belgique, ben ils se soucient pas. Après, et c'est vrai que Michel, comme elle est un petit peu le point de rendez-vous des chasseurs, elle entend parler, donc elle est un peu sensibilisée, quoi. Mais les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ça, ne font pas du tout attention, quoi. C'est interdit. Ah, c'est interdit, bien sûr, c'est interdit. C'est interdit de les transporter, de les détenir. Donc, à partir du moment où vous les lâchez, c'est que vous les avez transportés et détenus. Et dans le moment, c'est vrai qu'avec la fièvre porcine africaine qui est présente donc en Pologne et même en Belgique, hein, donc il n'y a absolument plus le droit maintenant de les... Donc c'est interdit de transporter des espèces nuisibles ou protégées? Ou protégées, c'est ça. Ouais. Michel, vous avez l'œil, vous, c'est bien? Oui. Vous voulez du lait, peut-être? Non, merci. Non. Loïs Ropars est né en 1911 à Poulaouen. Dans les années 50, il y relance la tradition du fest-noz. En 1974, il chante ses revendications dans l'album « Non au technocrate arraseur en chef officiel ». Je vous salue, vrais paysans, écrit-il. Vous avez défendu champs et talus contre les griffes du maître. Pour nous défendre contre les technocrates, nous continuerons à lutter durement et nous verrons du côté des montagnes des gens s'assembler en nombre. On vous a prêté une époque cette formule de la Bretagne, je vais faire une Hollande. De la Bretagne, je vais faire jaillir toutes les tulipes du monde ou bien tous les ports qu'on peut imaginer. Et que ça a été d'une certaine façon réussi. C'est vrai qu'il y a une poussée formidable en avant de l'agriculture bretonne. Mais elle est allée très très loin, c'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'à certains excès et qu'aujourd'hui, si l'on peut dire, le sol de la Bretagne est presque corrompu par cette richesse qui lui est poussée à l'intérieur. Est-ce vrai ? Alors, je n'ai pas dit « je ferai ». Edgar Pisani. J'ai dit « la Bretagne sera ». 1997. Ce n'est pas pour dégager ma responsabilité, mais entrant dans cette logique, j'ai favorisé cette évolution qui a provoqué un vrai miracle agricole. La Bretagne est devenue la première région agricole française la plus productive. J'ai favorisé, et là je me le reproche, certains remembrements qui étaient contre nature. Et finalement, on a un peu désolé certaines régions du paysage breton. Et quand j'y suis allé récemment, j'ai eu mal. Enfin, j'ai eu un peu honte de moi. Faut-il faire du productivisme ? Et c'était ma conviction. Et je crois m'être trompé. Là, ça, c'était un bruit de faisan. Les lâchers, mais le faisan aime bien le bocage, donc souvent il atterrit chez nous aussi. Le remembrement, il est évident que ça change tout au niveau du bocage. Après, moi, je suis pas un spécialiste de la chasse, mais je vois mes terrains, je les connais, je les parcours à pied, ça c'est important aussi. Et force est de constater que les faisans qui sont lâchés, que la bécasse, qui est quelque chose de très important pour la chasse ici, ils aiment les prairies naturelles, ils aiment les zones bocagères, avec un peu de taillis, avec un peu de roncier, etc. Donc les prairies naturelles, c'est important, sans parler des talus, des haies, voilà, des milieux ouverts, un peu fermés à côté, une diversité de milieux, je pense que c'est important pour la faune sauvage, et donc aussi le gibier. Donc à mon avis, il y a une érosion de la... Enfin, c'est pas mon avis, c'est sûr, de la biodiversité. Mais aussi, ça serait bien que les chasseurs le disent, la destruction du bocage, c'est la destruction de leur activité, quoi. À terme. Et sans doute, c'est déjà le cas. Bon, là aussi, clairement, on peut voir, d'ailleurs, rien qu'au parcellaire, on peut voir le côté remembré et le côté un peu moins remembré. Locmaria Berrien, quoi. On le voit encore parce que sur la carte figurent les lignes des talus. Et donc nous, on est au milieu de tous ces forêts. Alors, les forêts domaniales, donc le système, c'est des parties de chasse privées qui sont louées, en gros, hein, pour faire vite, par l'ONF. Voilà, à des prix assez importants qui, de fait, excluent totalement les sociétés locales de chasse. Ce qui, moi, à mon sens, c'est aussi un problème, quoi. Voilà. À la limite, je préférerais largement que ce soit les sociétés locales, donc des gens qu'on connaît, du terrain, avec qui on peut discuter s'il y a un problème, ou s'il n'y en a pas aussi, on peut discuter, c'est bien aussi. Mais en gros, voilà, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on va pas pouvoir dialoguer. Les gens qui viennent de très loin, je sais pas, moi, du Morbihan, de la côte Côte d'Armor, qui ont pas mal d'argent, des gens comme nous, mais ils en ont absolument rien à faire, quoi. Bon, après, ils font pas exprès de comment dire, que leur battue déborde, mais elle déborde, et donc voilà. Oui. Donc pour toi, c'est plus complexe, comme tu le disais, c'est plus facile d'avoir une conversation avec des locaux. Ah oui. Et des gens en activité sur le terrain qu'avec des gens que tu ne connais pas. Qui sont d'une autre classe sociale, d'un autre territoire, et qui sont d'une autre classe sociale globalement par rapport à toute la population locale. Donc ils arrivent là, puis ils ont payé. Ils ont payé le prix fort, donc ils ont le droit. Et ils font ce qu'ils veulent. Et donc moi, effectivement, je trouve dommage que ce soit pas des gens, des fois, qu'on connaît bien, des gens qu'on apprécie, des chasseurs locaux, qui effectivement, n'aient pas accès à ce gros gibier-là, quoi. Et du coup, qui mettent une pression folle pour trouver des sangliers ici. Parce que ça reste le gros trophée, quoi. Voilà. Donc là, François Didier, vous êtes tous les deux sociétaires de la société de chasse de Poulaouen, la rurale. La rurale. C'est ça. Date de naissance de la société La Rurale ? On en a parlé l'autre jour en réunion de la société, puisque ils ont fait des recherches. Entre les deux guerres. Ouais, je dirais ça, les années 30, ouais. 1947. Ah, juste après-guerre, alors. D'accord. Ouais. Ah bon ? Non, ils cherchaient avant, pourtant. Je pensais qu'elle était plus vieille que ça, mais ça devait pas, elle devait pas être structurée, quoi. Non, c'est ça. Ça devait être une espèce de société de fête, un peu comme ça, quoi, comme ça se faisait à l'époque, quoi. Ouais, et puis il n'y avait pas beaucoup de chasseurs. Une dizaine dans le bourg, là. Toi, tu penses qu'avant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de chasseurs ? Non. Moi, je pense qu'il y en avait beaucoup. Enfin, peut-être pas dans le, peut-être pas beaucoup dans le bourg. Après la guerre, ça a démarré. Après, à l'époque, les gens braconnaient, quoi. La guerre, ils ont braconné. Mais même avant, quoi. Oui. Quand mon père, parce que mon père m'a eu raconté, mon père était né en 27, mon père m'a eu raconté par exemple que quand ils étaient emmerdés par les sangliers à la chaussée, puisqu'il était du côté de la chaussée, donc le bois de fréau était tout à côté. Il prenait des lames de vieilles faux qu'il plantait dans la terre et il laissait donc la lame sortir sur 50-60 cm, là où il y avait des passages de sangliers. Quoi. Comme ça, quand le sanglier s'engouffrait dans le passage, il s'éventrait et du coup, il était. Voilà. Alors, et effectivement, il le faisait sûrement sans permis de chasser. Les chasses sur la domaniale, c'est encore une autre histoire. Et là, il y a peut-être des lâchés, non ? C'est souvent là-bas. Parce que la société des chasses de Poulaouen, par exemple, ne peut pas se permettre de lâcher du sanglier. C'est-à-dire que si on devait le faire, ça serait dans le domaine public tout de suite. Voilà. Et si c'est fait en cachette, qui paye et comment ? Ça fait des traces, c'est pas possible. Tandis que dans une forêt domaniale, vous avez d'abord l'ONF. Bon, je pense pas que l'ONF s'amuse à faire ce genre de choses. Par contre, l'ONF donc loue son droit de chasse en fait à une personne. Et voilà. Et cette personne-là, Jean-Pierre Hervé, par exemple, il a la location de la chasse au gros à Fréau. Oui. Après, il prend des actionnaires. Après, il prend des actionnaires. Mais lui, par exemple, s'il décide avec son argent et l'argent qu'il reçoit de ses actionnaires d'aller lâcher du sanglier, il n'a pas à en rendre compte à personne. Non. En tant qu'élu à la Chambre d'agriculture, donc en charge du dossier faune sauvage, j'ai fait un signalement donc en commission faune sauvage au service de l'État, à la Fédération des chasseurs. Je leur ai signalé ces événements-là. Donc, ils ne m'ont pas cru. Par contre, l'ONCFS, donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, m'a auditionné. J'ai fait l'objet de deux auditions pour les deux déclarations, donc celle de novembre 2017 et celle de 2018. Là, ça, c'était plus tôt. C'était en octobre. Octobre 2018, je pense. Le lâcher qui concernait celui-là que Fréau. Quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Mais après, ces enquêtes-là sont très longues parce que faut trouver des preuves, c'est compliqué. Alors après, ce que m'a dit l'autre jour le directeur de la DDPP, c'est qu'ils ont fait des prélèvements ADN, et je ne sais pas comment ils y arrivent, mais il m'a dit que l'ADN, effectivement, de certains sangliers prélevés pendant la saison de chasse 2018-2019, correspondent à des animaux polonais. On va chasser ? On va chasser. Allez. Allez, on prend les cartouches, le fusil et on y va. Est-ce que vous connaissez une chanson ou une histoire qu'on racontait lors des veillées en breton sur la chasse ? Les vraies histoires, c'est quand il y a des sangliers. Ça, c'est les, là, alors c'est là. Tout le monde sur les nerfs. Pas de gilet orange. Je vois qu'il est là. Ah, il faut. J'ai entendu une chanson sur les chasseurs de l'Aniscat, qui est une chanson qui décrit. qui décrit les personnalités des chasseurs, qui raconte une journée de chasse au lièvre. Et ce que j'entends, moi, le dimanche, en fin de journée à Poulaouens, c'est ça, c'est la chose qui a été mise en chanson. Ça explique vraiment comment ça s'est passé. On va voir si on peut trouver comme quelques pigeons. Les chiennes montent de roche, venna, galons-y que nous allons. Joseph d'Apa et Gariolène, allons-y que nous allons. Allons-y que nous allons, mais n'allons pas trop vite. Éric Marchand. Rendez-vous est Isérec, allons-y que nous allons. Allons-y que nous allons. Allons-y que nous allons, n'allons pas trop vite. Ouais, c'est le Bayou. Allons-y que nous allons. Le Bayou. Ernest qui a Miette, allons-y que nous allons. Allons-y que nous allons, mais n'allons pas trop vite. Ouais. Un couple de colverts, mâle, femelle. Voilà, ils arrivent. Un concanard, là. Ils passent au-dessus, là, à droite. Allez, loupé. Loupé aussi ? Ah bah dis donc. Après on a du mal à apprécier la hauteur. Hein. Je pense que c'est pas assez haut. Je pense qu'un peu plus loin, là, le long de l'étang, il y en aura plus. Et du canard encore. Coing, coing, coing. Comment on dit pigeon en breton ? Ah, pigeon, pigeon. À pichon, au pichon. Au pichon. On résume ça, mais c'est pichon, quoi. Pichon, ouais. Comment on dit remembrement en breton ? Ah, alors voilà des mots qui n'ont pas de traduction. On dit à remembrement. On redit le même mot. Alors après, moi, ce qui m'avait fait rigoler aussi un jour, c'était. Bon, j'avais 17-18 ans, j'étais à la chasse avec Yves Guerne, on était du côté de l'Émézec. Ouais. Et puis, donc, on était en train de chasser. Yves Le Guerne, à l'époque, avait une équipe de chiens courants. Et donc, on était en train de chasser. Donc, les chiens étaient après un renard. Donc, ça courait après le renard. Et puis, à un moment donné, où était passé le renard, quoi. Personne ne savait où était passé le renard. Et Yves Le Guerne avait vu le renard donc, passer à Skignac. Et il me dit, « Ah, nekeo lounkin de deo warn. » Donc, un renard, en breton, ça se dit « ar louarn ». Mais, à Poulaouen, on dit « ar loun ». On abrège, en fait. C'est un peu une façon de parler. Et à Skignac, ils disent pas « ar loun », ils disent « ar warn ». Et donc, en me disant qu'il n'était plus un loun, mais qu'il était devenu un warn, ça voulait dire qu'il avait passé la rivière Holm et qu'il était parti à Skignac. Quoi. Donc, c'était une façon imagée. Au lieu de me dire qu'il était parti à Skignac, il me dit « Nekikin loun de Deo warn ». Il n'est plus un loun, il est devenu un warn. Donc, mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas qu'à Skignac, on disait un warn. Quoi. Je savais qu'on disait un louarn. Et, ah bon. Et puis donc là, on m'avait traduit un peu quand même. Quoi. On m'avait aidé en me disant « à Skignac, on dit au warn ». Ah d'accord, donc il est parti à Skignac. Voilà. Donc on avait arrêté la partie de chasse, puisqu'il était parti sur un territoire où on n'avait plus le droit d'aller. Mais après, bon, donc là on va voir, j'ai deux brebis enfermées et là je vais les sortir parce que elles gueulent en fait. Elles sont pas très contentes de rester enfermées. Donc le renard par rapport aux agneaux, ça peut être un problème quand ils sont tout petits, ils naissent, ils sont assez faibles, même très faibles. Et si la mère s'en occupe pas bien, et même quand la mère s'en occupe bien, le renard peut approcher, choper un agneau, voilà. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais parce qu'on m'a mis en garde, et du coup, je les ai jamais laissés traîner dehors, quoi. La nuit, surtout, la nuit, après la journée. Donc, voilà. Bon, on a deux, là. Donc, ceux-là, là, on a deux agneaux. Il y en a un qui a, en gros, 2 jours, et l'autre, 4. Mais déjà là, ils sont presque trop vifs et costauds pour un renard. Sauf que, voilà. La nuit, la brebis peut se coucher, l'agneau être à 2 mètres, et le renard, a priori, de ce qu'on m'a raconté, peut attraper un agneau comme ça, et une fois qu'il l'a chopé, c'est fini. Et aussi, les renards aiment bien la délivrance, qui est très riche en protéines, enfin voilà. Donc ça les attire, il y a l'odeur du sang, etc. On m'a relaté des histoires où pendant un vélage, on voyait les yeux de renard partout autour dans les talus. Bon, je vais la rouvrir. Parce que là, on voit, elles sont creusées un peu. Ça, c'est parce qu'elles allaitent. Et le meilleur aliment pour l'allaitement, ça reste l'herbe. Voilà. Ouais, elles sont pas énervées. Quoi. Elles vous surveillent au cas où on toucherait aux petits. Mais... Et sinon, le renard, l'autre affaire, c'est son rôle de régulateur sur le campagnol. Voilà. Donc moi, j'ai eu un collègue qui a eu un problème, des problèmes divers hein, sur son activité de maraîchage. Et un des problèmes, c'était le campagnol qui rentrait dans les lignes de carottes ou de poireaux et qui bouffait tout. Et il faut quand même savoir que le renard, ici, en Finistère, dans ce genre de zone, notamment aussi, il y a des études qui ont été faites en Hollande, je crois, sur les zones un peu ouvertes, bocagère, c'est 80% de son alimentation, c'est ce qu'on appelle le campagnol. L'action mulottée, alors tu les vois des fois la nuit dans la prairie, ils chassent comme des chats. D'où il y a un débat un peu là-dessus entre la profession agricole au niveau national et la chasse. Parce que la profession agricole, dans pas mal de cas, estime que le renard est plutôt un aide de camp, enfin un auxiliaire, hein, plutôt que voilà un nuisible. Bon allez, des grosses. Hop. Allez. Bib, allez. Allez, Bib. Donc pour toi, le renard sur la liste des nuisibles. Ouais, il a pas sa place. Hein. Il n'y a pas de justification. Hormis son rôle concurrentiel par rapport aux chasseurs, peut-être. Quoi. Voilà. Sur le lapin, sur les oiseaux. Mais pour moi, c'est pas lui qui fait que le gibier s'amenuise ou disparaît. Quoi. Oh, formidable. Ok, c'est bon. Donc, ça projette quand même, on voit bien. Hein. Avec les phares. À quelle distance là? On voit plus de 100 mètres sur 100-150 mètres pratiquement. La notion de nuisible semble être une variable d'ajustement. Selon le point de vue, selon le territoire, selon les acteurs, selon la politique agricole, le nuisible ne serait pas le même et ne causerait pas les mêmes nuisances. Parfois, son instrumentalisation, par les chasseurs par exemple, permet d'édulcorer leurs propres nuisances. Surtout quand il s'agit de sangliers, tout est justifiable. Depuis la disparition du petit gibier, c'est le succès du sanglier, pour le meilleur et pour le pire. Pour le trophée et les dégâts, on s'en plaint mais on en veut. On le tue mais on l'agraine. On le tire mais on le fixe. Car finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est plutôt une connerie que c'est une cochonnerie. Surtout, les sangliers viennent de l'Est, évidemment. L'autre côté, c'est la mer. Ils ne viendront pas. Ça, c'est les prélèvements de sangliers par commune. L'évolution des prélèvements de sangliers, oui. Ça, on est monté à 600 et quelques. En général, c'est dans... Ça augmente, quoi. La population de sangliers augmente. C'est constaté d'ailleurs en France aussi. Alors, un gambin, c'est un herbivore. Oui, en 1987, 88, on avait 32 sangliers prélevés. Et là, en 2016, on en a 679. Pourquoi à Poulaouen, vous ne constatez... enfin, il n'y avait pas de dégâts du coup? Parce que pas assez de gibier? Poulaouen, c'est une commune très agricole. Elle a été remembrée, il y a peu de bois. Et le sanglier n'est guère que le passage. Et bon, il y a aussi une équipe de chasseurs très, très vigilants, si je puis dire, et dès que le sanglier arrive, il est chassé. Donc, il n'a pas le temps de faire les dégâts. Il y a eu quelques dégâts, mais dérisoires. Ouais. Il y a de bons chasseurs de sanglier. Je recule un peu. Top, là, top, top. Le sanglier est dans, pile dans mon faisceau, là. Mais il est en bordure. Hein. Oh là. Là, le lièvre, il n'y a qu'un sanglier ou il y a des petits? Non, il y a des petits. Il y a des petits aussi? Ouais. On voit les petits, là. Je vois les yeux des petits. Toi, tu vois les petits? Ah oui, au fond, là-bas? Ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ouais, ouais, exact. Ouais. Oui, oui. Et il y a un lièvre en dessous? Le lièvre a passé. Le lièvre, il est sur le champ. Ouais. Sanglier plus petit, tu mets. Sanglier plus petit. Avec un plus, avec un nombre, quoi. Le lièvre est là. Le lièvre est là. Il est sur le champ. Ah ben, ça doit être un deuxième. Ouais, parce qu'il est parti le premier. Parce que l'autre, il est parti dans mon faisceau. Il est parti de là. Ouais, il est parti. Ah, je les vois, les cochons. Est-ce que c'est des cochons? Les pimors. C'est des vaches. Là, c'est des vaches. C'est des vaches. Là, c'est des vaches. Non, c'est pas des cochons. Eh ben, c'était des vaches. Donc, il n'y a pas de sanglier. Non. Mince. Annulé. Bon, annulé le sanglier. Ils étaient noirs, pinoirs. Ah, mais ils étaient. Ça prête à continuer. À droite ici? Non, c'est, la conformation du terrain qui donne. On était tous trompés. Hein. J'ai vu qu'il y avait du passage à des heures assez improbables et je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et donc j'ai pu remonter un peu plus ou moins les traces de voiture jusqu'ici. Nicolas Meffre. Et là, je piste, mais les... je piste pas les animaux. Enfin, je piste un peu tout, quoi. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait... En gros, la voiture s'arrêtait là, il y avait un passage humain par ici, quoi. Donc de là, je suis allé voir un peu plus loin. Donc c'est une sapinière, hein, mais il y a le ruisseau juste en contrebas. Donc sapinière, espèce résineuse, quoi. Ça a son importance, on va le voir par la suite. Donc moi je déambule là-dedans. Et alors là, une des premières choses qui me saute aux yeux, c'est ça là. Ce bout de plastique, un bout de plastique accroché à une branche sur un tronc d'un arbre, quoi. Qui est assez visuel, hein. C'est le genre de truc qu'on met pour les événements, les randos ou ce genre de choses, quoi. Un balisage, c'est un balisage. Et donc j'arrive et là tout de suite on voit, hein. Donc les sangliers sont nocturnes, ils viennent, ils sortent la nuit, ils se cachent en journée et la nuit, bah, ils vont se nourrir. Ils vont faire leur toilette. Vous voyez l'endroit, faut le trouver. Hein. Donc voilà, là on arrive en plein dedans. Juste Nico, une précision. Pour décrire l'endroit où nous sommes, c'est le fond de vallée, voilà. Qui justement n'intéresse plus personne typiquement là. Et du coup, c'est un corridor et c'est une réserve de gibier finalement. Oui, alors là, effectivement, c'est fond de vallée typiquement délaissé. Voilà, là on voit bien une grosse patasse de sanglier, quoi. Donc ici, c'est ce qu'on appelle typiquement la bauge. Donc ils viennent se baigner là-dedans, mélange d'eau et de boue. Et on voit là, si vous regardez bien, on voit typiquement, je les imagine à sortir tout contents à fond et en fait ils éclaboussent de boue partout et ils vont direct où? Sur des arbres. Voilà. Sur des troncs d'arbres résineux. Et ils se frottent là-dessus, quoi. Et bon, ils se frottent vachement. Il y a plusieurs arbres ici, là on en voit un là-bas, un là. Et donc, ça c'est du goudron. Donc moi j'arrive là, à ce moment-là ça avait été badigeonné de très frais. Je pense que c'est la personne que j'avais croisée un soir. Il y en avait partout, ça dégoulinait de tous les troncs. Et il y en avait, et ça sent. Oui, ça sent encore. Ça sent. Malgré tout. C'est une espèce de goudron fait à base de résineux, je crois, de pain qui est plus ou moins brûlé. Donc c'est un peu une odeur de barbecue, de goudron, quoi. Bon, et alors, comme je ne savais pas exactement ce qu'il en était, je fais un peu comme tout le monde, Google, YouTube, voilà, Internet. Et là, bah, vous verrez, si vous avez de la curiosité, vous tapez goudron sanglier, Bauge. Sur YouTube, on trouve des vidéos de tout simplement de représentants de boîtes qui vendent ces produits. Bonjour Eric. Bonjour Baudouin. On est sur un territoire de chasse qui est dans le centre de la France, ouais. Sur lequel il y a un petit peu de sangliers. Des moyens possibles pour faire venir des sangliers sur un espace. Là, on va mettre du goudron. Ouais. Un goudron dit de Norvège, c'est-à-dire du scrolique. C'est-à-dire que c'est un goudron qui est sous forme donc style bouteille ketchup, ouais. C'est-à-dire beaucoup plus facile à appliquer. L'avantage un petit peu de ce style de conditionnement, c'est-à-dire que bah, le jour où vous chassez, vous le mettez dans le carnier, vous le mettez dans la poche derrière. Ouais. C'est une toute petite ouverture classique, style bouteille ketchup. On a juste à enlever l'opercule qui est au-dessus. L'utilisation très très simple, tout simplement exactement, c'est-à-dire qu'on va faire descendre le produit pour le mettre directement sur la souche qui est là. Et il va s'écouler gentiment le long de la souche en laissant un maximum d'odeur et surtout un maximum d'efficacité. Voilà les sangliers qui vont faire des dégâts chez les agriculteurs. Bah vous, dans votre forêt, c'est une manière de fixer les sangliers sur leur bauge. Donc fixer, ça veut dire qu'en gros... Dans une forêt, c'est ce qu'il expliquait bien, justement, l'avantage, c'est de faire en sorte que les sangliers ne sortent pas de la forêt au moment où c'est délicat pour les cultures des agriculteurs. Après, j'ai pas... C'était vraiment le terme employé, fixer, quoi. Fixer les sangliers sur leur lieu de bauge. Et là, dans ce cas-là, c'est pas éviter qu'ils partent ailleurs, parce que ça, c'était juste un lieu de passage. Donc c'est vraiment faire en sorte qu'ils reviennent. Donc voilà, ça fait en 5 ans qu'on est là et bah ça a pas loupé quoi. Il y a 2-3 semaines, on s'est fait littéralement labourer des prairies qui sont à vol d'oiseau. Pour un sanglier, à mon avis, ils y sont en 10 minutes. Alors après, je peux pas. C'est pas chez moi, j'ai rien à dire. Mais bon, voilà, on déplore que le sanglier fasse des dégâts à partir du moment où on essaye de l'attirer. À côté de certaines zones, on peut pas non plus. Enfin, on peut se demander si cette action n'engendre pas les dégâts qui sont à côté. S'ils sont vraiment considérés comme des nuisibles, quel est l'intérêt de les fixer là ? La notion de nuisible, elle est quand même très relative là. Mi-parcours pour vous ? Deux tiers. Deux tiers. La Harde Sauvage, une histoire de nuisibles dans l'Ouest, un western de Marie Guérin et de Guillaume Bally. Attends, on n'est pas là. Ah ouais, d'accord. Bon, bilan. Bon. Bilan. Par rapport à il y a 3 ans. En nette augmentation, hein, parce que là, on doit être à une dizaine de lièvres, je pense. Ah oui, lièvres. Merci à Anne Brulant, documentaliste Alina, pour sa plongée dans la Harde d'archives. 11 lièvres. 11 lièvres. Merci à Stéphanie Catelin de la FDC 62 et à Pascal Bianic de la FDC 29. Alors les chevreuils, merci à Francis Favreau. Merci à Éric Marchand pour son accueil à Poulaouen et ses conseils discographiques. Mixage, Alain Joubert. Il doit avoir 11 chevreuils aussi. Ah, autant bien que de chevreuils. Bon. Renards, on a des renards aussi. Des renards, il y a pas mal de renards en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renards. Surtout ce qu'on a vu, c'était bien important. Il est bien important. Oui, il est bien important. On sort ici ou quoi, non ? Bon. Bonne soirée, merci beaucoup pour l'accueil. Ouais. Ça va être diffusé sur quoi ? France Culture. France Culture, d'accord. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au Welguat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret.